Dieu choisit de faire alliance avec le roi David. Il lui promet d'envoyer un sauveur pour son peuple. David n'est pas parfait, mais il veut servir Dieu. Il aime chanter. Dans la Bible, on trouve des poèmes, des chants que David et d'autres ont écrits. On appelle ces chants les psaumes. Tu te souviens? La Bible, c'est un livre. Mais à l'intérieur de ce livre, il y a plein de petits livres, dont le livre des psaumes. Sais-tu combien il y a de psaumes? 150! Ils sont chantés depuis très longtemps par le peuple choisi par Dieu, le peuple hébreu, que l'on appelle aussi le peuple juif, et par les chrétiens. Jésus, qui était juif, chantait lui-même les psaumes. Certains psaumes disent merci ou demandent pardon à Dieu. D'autres lui chantent la joie ou bien la tristesse. Certains psaumes crient à Dieu la colère ou l'amour. D'autres lui demandent « s'il te plaît ». Enfin, certains psaumes questionnent Dieu ou murmurent simplement « je t'écoute Seigneur ». Quand on ouvre la Bible, c'est pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Mais c'est aussi pour parler à Dieu. C'est ce que l'on appelle la prière. La prière est un dialogue. Écouter et parler. Si on ne fait que parler sans jamais écouter, ce n'est pas un dialogue. Merci au roi David de nous avoir donné les psaumes pour parler à Dieu et lui chanter les mots qui viennent de nos cœurs.